Bonjour Xavier, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Aujourd'hui, rencontre avec le philosophe russe Léon Chestov. Penser une pensée jusqu'au bout, que Dieu nous en garde. Dans la plupart des cas, cela conduit à la tuer. La pensée doit être saisie au vol, il faut l'épingler rapidement et la laisser, ne plus y revenir. Et pas avec les mains, mais uniquement avec les yeux. Le contact tue la pensée. Si l'on y revient constamment, si on y pense et repense, la vérité la plus éternelle ne supportera pas un tel traitement. La pensée la plus vivante se fanera et mourra. Mit dein kurzen Meichu und setz dich zu zum Rebenstisch, dort wirst du lernen, Seichu. Yam bam bam bam, yam bam bam bam, yam bam bam bam, bam bam bam, yam bam bam bam, yam bam bam bam, yam bam bam bam, bam bam bam. Adam Schiffos, du ist geklärt und nimm sich mit dem Iber. Der Rebbe spreit sein Tichel aus und spann dem Jammer Iber. Jam-bam-bam-bam, jam-bam-bam-bam, jam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Jam-bam-bam-bam, jam-bam-bam-bam, jam-bam-bam-bam-bam-bam. Bonjour Geneviève Piron. Bonjour. Vous êtes essayiste et traductrice, spécialiste du monde russe, directrice du programme de Smith College à Genève. On vous doit un ouvrage sur Léon Chestov, philosophe du déracinement, la genèse de l'œuvre, disponible aux éditions L'Âge d'Homme. J'ai lu en ouverture quelques lignes de Léon Chestov. On ne peut pas, on ne doit pas penser la pensée, nous dit-il. N'est-ce pas une drôle d'affirmation pour un philosophe? Est-ce que Léon Chestov était un philosophe? Quelle bonne question. Bien sûr, oui, c'est un philosophe, mais c'est un philosophe qui a combattu la raison, qui a cherché à revenir, disons, à la source de la pensée et à interroger, en fait, la direction que prenait la pensée. Et en ce sens, il a été un peu un anti-philosophe parce qu'il n'a pas eu, il n'a eu de cesse de combattre la tradition, disons, en tout cas la tradition rationaliste dans l'histoire de la pensée, oui. Qu'est-ce qui fait que Chestov est peut-être si peu connu, justement? Est-ce que c'est ce combat de la philosophie comme rationalisme, comme raison? Est-ce qu'on peut dire que Chestov, dont le nom peut évoquer quelque chose aux auditeurs et auditrices, n'est pas forcément rattaché ni à la philosophie russe, la Russie qu'il a quittée à l'âge de 20 ans, mais pas non plus complètement à la philosophie française, qu'on peut quand même rattacher à une tradition cartésienne et donc rationaliste. Je ne pense pas que Chestov soit peu connu pour les raisons que vous évoquez. À mon avis, c'est aussi lié au fait que c'était un émigré. Je pense pas que Nicolas Berdiaïev ou Sergei Bulgakov soient beaucoup plus connus. C'est certain que le fait que c'est un philosophe qui était toujours un peu hors cadre, c'est-à-dire hors, il n'était pas chrétien, il était dans une philosophie religieuse, mais qui était en fait une forme de philosophie existentielle, et il a beaucoup plus inspiré, il a été aussi précurseur de la pensée de l'existentialisme, il a peut-être plus inspiré, motivé, nourri, en particulier les pensées d'écrivains, c'était aussi un philosophe écrivain, que véritablement il a pu faire école. C'est le genre de philosophes qui font pas tellement école, mais qui sont plutôt des compagnons de route de certaines personnes. Vous pensez à qui, par exemple? Bon, il a inspiré certainement Albert Camus, il a beaucoup touché Bataille, il a indirectement influencé, en fait, Merleau-Ponty, Sartre, parce qu'il a fait connaître Husserl en France. Donc il a été plus, un passeur et un inspirateur, comme je le disais, qu'un modèle. Ensuite, dans la forme de sa philosophie, il y a une sorte de maximalisme. Alors ça, là, on ressent une source intellectuelle russe qui fait que... Bah, par exemple, c'est là où Albert Camus le quitte. Cette forme d'irrationalisme extrême fait que c'est pas un philosophe si facile à suivre. Et pour revenir, oui, à ce que vous disiez sur sa trajectoire... Effectivement, Léon Chestov a reçu deux réceptions assez différentes en Russie. Il s'est fait connaître plutôt comme un philosophe nihiliste ou sceptique qui écrivait des aphorismes sulfureux, qui suivait Nietzsche contre la morale, contre les idées générales, un personnage très sarcastique dont on voyait surtout la dimension négative dans un moment, au début du XXe siècle, où il y avait une grande, de grands espoirs dans la pensée, un moment incroyable de... un feu d'artifice, en fait, artistique, philosophique, musical. Et Léon Chestov apparaissait un peu comme une voix tragique, un peu en porte-à-faux. Et quand Par rapport à l'histoire de la Russie ou même de l'histoire du continent européen? L'histoire du continent européen, dans le sens où c'était vraiment un philosophe de la tragédie, qui mettait le début d'une pensée originale, la marquée par la catastrophe. Et c'est en fait quand il est arrivé en France... ou plutôt même après 1914, qu'on a commencé à découvrir l'actualité de sa pensée. Donc il a été aussi un peu précurseur sur ce plan-là. Certains de ses amis qui ont réussi, bon, déjà la Première Guerre mondiale, mais aussi après la guerre civile, la Révolution, quand ses amis ont lu ses écrits au début des années 20, ils ont dit tout à coup « Ah, mais Léon Chestov, mon Dieu, oui, c'est une voix amie ». Tout à coup, les événements historiques lui donnaient raison et ont donné une résonance à sa pensée, et ça encore plus dans la génération existentialiste d'après-guerre. En quelques mots, comment on pourrait résumer ou définir le parcours de Léon Chestov? Il naît en Russie et pourquoi il la quitte? Qu'est-ce qu'il fait en France et qui fait qu'il reste en France? Bon, Léon Chestov fait partie de cette génération des intellectuels russes, d'ailleurs comme Lénine, qui vivait beaucoup en dehors de la Russie, qui faisait des études en dehors de la Russie, qui publiait, qui éditait en dehors de la Russie. C'était l'époque où les révolutionnaires se retrouvaient un peu partout. Et lui-même, c'est un philosophe d'origine juive. Beaucoup de juifs étaient obligés de faire des études à l'étranger parce que les quotas d'accès aux universités en Russie étaient limités. Aux juifs. Donc, il a pu faire ses études en Russie, mais il a beaucoup voyagé. En fait, il a une histoire personnelle qui l'a forcé à quitter la Russie. Ce qui est bien qu'entre 1910 et 1914, il était en Suisse, il était aussi souvent en Allemagne. Et finalement, en 1919, son père possédait des entrepôts dans le commerce du drap à Kiev. Et les communistes c'était la guerre civile, les communistes ont mis le feu à ces entrepôts, ils étaient un peu menacés. Et finalement, les Blancs sont revenus pendant la guerre civile, là il y avait des exactions antisémites, et lui, il a décidé de partir 3 ou 4 ans avant les philosophes dont on parlait à l'émission d'hier, à savoir les philosophes que les bolcheviks ont exilé de force en les mettant dans des bateaux. Lui, Léon Chestov est parti de son plein gré parce qu'il avait l'impression que le régime bolchevique était un régime de contraintes et qu'il pourrait pas y vivre et y travailler librement. Et puis il avait effectivement l'habitude de vivre à l'étranger, donc c'était pas un vrai déracinement, disons. Et pourquoi n'est-il jamais retourné en Russie? Il est mort à Paris en 38. C'est qu'il n'a pas eu le temps d'y revenir ou que... Bon, ça c'est l'histoire. Quand on quittait la Russie en 1917, on devenait apatride. On était indésirable en URSS. C'était dangereux de revenir. Donc même s'il avait eu, il a surpris ses amis. Parce que c'était un philosophe qui n'exprimait pas les choses de façon très directe. Et par l'intensité de sa révolte, de sa critique, des conventions, c'était quelqu'un qui, depuis l'enfance, se pensait plutôt comme un révolutionnaire. Ça avait été un des premiers lecteurs, commentateurs de Marx à Kiev. Il était en opposition avec son père, qui était un assez riche marchand sioniste. Et ses amis pensaient qu'il était une sorte de chantre de la révolution permanente. Et ils ont été très surpris, même surpris au point qu'un de ses bons amis, Evgeny Lundberg, qui avait publié son article « Qu'est-ce que le bolchevisme ?» en 1920 à Berlin, quand il l'a lu après l'avoir publié, l'a détruit, l'a passé au pilon parce qu'il était horrifié. Lui, il pensait que Chestov était un révolutionnaire. Et il était horrifié par quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il disait Chestov a attaqué les bolcheviks très, très tôt. En fait, il a commencé en 1919. Il a eu un premier article en 1919 où il attaquait le fanatisme sous-tendant les idées révolutionnaires en action, en disant qu'elles prenaient leur source dans une forme d'esprit sectaire, de gens prêts à bouter le feu. Et lui, qui faisait des tabula rasa dans le domaine de la pensée, tout à coup, pouvait sembler soit réactionnaire, soit extrêmement modéré. Mais en fait, il est très cohérent sur ce plan. C'est quelqu'un qui, sur le plan des idées politiques, était plutôt libéral, mais qui était affolé par la violence, en fait. Et il a très, très vite entendu, dans les mots d'ordre des bolcheviks, du genre « d'une main de fer, nous conduirons l'humanité vers le bonheur », il a très vite entendu la voix de fer, la contrainte, la violence. Et il a dénoncé ça très tôt, avec une lucidité assez exemplaire. Je vous propose qu'on revienne à un terme que vous avez employé, Geneviève Piron, celui de tragédie, avec le premier texte de Léon Chestov qui portait sur Shakespeare. Ô vous, tous les hôtes du ciel, ô terre ! Et puis quoi encore, ajouterais-je, l'enfer ? Tiens bon mon cœur, tiens bon et vous mes nerfs. Point, ce n'est là l'instant de vous mettre à faire les vieux, mais tenez-moi roidement. Mes souvenirs de toi, oh oui, pauvre spectre, tant que mémoire siégera dedans ce globe détraqué, mes souvenirs de toi, oui, toutes les triviales remembrances, toutes les pages apprises de mes livres, je les veux balayer pour que, dans le livre circonvolutif de mon cerveau, dégagé du pêle-mêle des basses matières, vive seul ton commandement, mes tablettes. Il convient que j'y couche, qu'on peut sourire et sourire encore et n'être qu'un pourri. Ainsi, mon oncle, vous en êtes là. Maintenant, vers mes mots, adieu, adieu, garde-moi, remembrance. Lorsque des intérêts vitaux s'affrontent chez Hamlet, il ne réfléchit pas, car rien ne le retient. Il se bat contre des corsaires, envoie se faire tuer en Angleterre ses deux amis de jeunesse. Il cesse d'être ce Hamlet nonchalant qu'on connaît. Il ne se demande pas s'il est plus noble, s'il vaut mieux se soumettre ou se révolter. En revanche, que son père ait été tué, que le lit royal de Danemark soit la couche de la luxure et de l'inceste damné, c'est pour Hamlet le crime d'un Néron ou d'une Cléopâtre. Cela lui est étranger, sans rapport avec lui. Ces événements ne lui donnent pas la possibilité de s'indigner, ne font pas naître en lui le besoin d'aller au-delà de ses habituelles réflexions. Il essaie de toutes ses forces de réchauffer en lui les mots de meurtre, d'inceste, de les remplir du sens qu'ils ont perdu. Finalement, ce ne sont que des mots, des mots, des mots. Des catégories hautes en couleurs qui sautent brusquement aux yeux, mais dépourvues de contenu. Où Hamlet trouverait-il l'impulsion de se battre pour la liberté de Rome si ni la mort de son père ni le déshonneur de sa mère n'ont pu le forcer à s'opposer à son oncle ? Les chemins de la philosophie, France Culture. Géraldine Mosna-Savoie. Geneviève Piron, on vient d'entendre, interprété par le comédien Vincent Schmitt, un extrait du premier texte de Léon Chestov qui s'intitule « Shakespeare et son critique Brandès », un texte qui date de 1898 et qui porte donc sur la lecture de Shakespeare par Georg Brandès, qui était donc un critique littéraire et auquel Chestov s'est opposé. Et juste avant, on a entendu quand même, pour donner un petit peu de corps à cette critique, un extrait d'Hamlet. C'était l'acte 1, scène 5. C'était le monologue d'Hamlet par William Mesguich, un enregistrement à la Maison de la Radio en 2012. Pourquoi Léon Chestov a-t-il commencé par puiser la matière de sa philosophie dans la tragédie, en particulier chez Shakespeare et dans une lecture qu'il désapprouvait ? C'est un acte un petit peu étonnant de commencer par s'intéresser à un thème et de prendre d'en faire une critique avant même d'y voir quelque chose plutôt de positif. Oui, je pense que ça, c'est la réaction en fait de quelqu'un qui est complètement irrité. C'est l'indignation qu'a provoqué cette lecture de Shakespeare par Brandès qui a poussé Léon Chestov à écrire ce premier texte. Il faut savoir que c'est un philosophe qui est un philosophe autodidacte. C'est pas quelqu'un qui a fait des études de philosophie. D'ailleurs, sont assez rares les philosophes russes qui ont fait des études de philosophie, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de façons d'étudier la philosophie en Russie. Ils ont fait plutôt du droit, apparemment. Exactement, il a fait des études de droit. C'était un jeune homme qui voulait se consacrer à la défense des opprimés. Et c'est parce qu'il était assez passionné, et justement, qu'il voulait changer la structure de la société, que ça l'a totalement irrité de lire ce texte, dans lequel il a mis d'ailleurs dans son livre en exergue la citation de Nietzsche, « Je hais les oisifs qui lisent ». Donc pour lui, c'était l'exemplification d'une critique d'un petit bourgeois rassasié, et lui, il voulait voir dans la tragédie des choses, des grandes questions et apporter des grandes réponses. Et la raison pour laquelle il a renié ce texte, parce que c'est un texte qu'il a vraiment plutôt renié, c'est que lui, dans ce texte, il attaque Hamlet pour son impuissance et il répond à l'impuissance d'Hamlet avec l'action de Brutus. Et en fait, c'est un livre qui essaye désespérément de défendre une forme d'idéalisme moral en incitant les gens à faire des actes même contre nature, même des parricides si nécessaire pour la cause. C'est un peu la problématique des démons de Dostoïevski. Et en réalité, si on lit attentivement ce livre, si on le lit en plus, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, en le comparant avec sa correspondance, on peut découvrir que, en fait, il était en crise quand il a écrit ce livre. Donc c'était une crise très violente, en fait, une crise morale qui est liée à sa biographie. Léon Chestov est né, donc, comme je l'ai déjà dit, dans la famille d'un marchand juif. C'était l'aîné d'une famille de 4 enfants. Et il rêvait de devenir un auteur russe, un écrivain russe. Et à un moment donné, il a voulu épouser une femme russe qui était chrétienne, et ça exigeait en fait la conversion. Et ses parents se sont opposés très violemment à ce projet. Et il a basté, en fait. C'est-à-dire quoi, basté? Il a refusé de... Il désirait profondément s'émanciper, il avait ce rêve de parricide peut-être, de tuer son père symboliquement, de pouvoir partir dans sa propre voie, sa voie d'intellectuel russe. Et il a pas tenu devant le psychodrame de sa famille, et il a fini par chasser cette femme. Et fuir sa famille. S'en est ensuite une crise de culpabilité extrêmement violente, une dépression nerveuse. Il est parti se faire soigner à Vienne, c'était un peu le début de la psychanalyse, il y avait des thérapeutes dans un peu la nébuleuse de ce qu'est le freudisme. Et là, il a fini par mettre son projet à exécution, mais en le cachant à son père. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a dû vivre cette vie divisée, en fait. Même avant 1914, avant la mort de son père, il a dû vivre à moitié en Europe pour cacher sa femme et ses 2 enfants à son père. Mais ceci dit, ce livre-là, il l'a commenté plus tard en disant « J'en étais encore à l'idéalisme moral, j'étais émue et bouleversée par la phrase de Shakespeare « Le temps est sorti de ses gonds » et j'essayais désespérément de remettre le temps dans ses gonds. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il fallait le laisser aller et éclater en morceaux. » Et c'est un peu ce qui donne la naissance à cette philosophie explosive, difficile. Mais ce qu'on entend quand même malgré tout dans ce texte, même si la philosophie qui le sous-tend, ou on va dire la psychologie dans laquelle ce texte a été écrit est celle d'un idéalisme auquel il renoncera, on trouve quand même dans le texte qu'on a entendu cette réflexion. Alors c'est à la fois une critique du critique Brandès, mais c'est aussi une critique d'Hamlet. Et on entend une forme de, je ne sais pas si le terme pourrait s'appliquer à Chestov, une forme de vitalisme. En fait, on voit qu'il reproche à Hamlet de ne voir dans les mots que des mots, et il aimerait que tous ces mots soient réchauffés, évoquent des choses, soient de l'ordre du vécu, de l'expérience. Est-ce que c'est une manière aussi de commencer à approcher la philosophie de Chestov que de voir ici un vitalisme qu'on retrouvera plus tard, ou en tout cas une forme d'accent mis sur l'expérience vécue? Oui, c'est tout à fait juste. Ce qu'il y a, c'est que ce texte appartient à une forme de la critique littéraire qui a pris naissance à peu près à cette époque, vers 1896, en Russie, qui s'appelle la critique subjective, qui a fait suite à une critique justement très engagée, la critique réelle, qui était la critique d'idées morales, d'idées justement révolutionnaires par rapport à une idéologie. Et la critique qui a suivi, la critique subjective, elle a été conduite par des écrivains philosophes qui étaient complètement imprégné de l'idéal qui prenait forme un peu dans le sillage de Schopenhauer et de Nietzsche, une idée de la vie comme création, de la création comme vie, où il fallait faire exploser les limites entre non seulement la vie et l'art, mais aussi entre la spiritualité et l'art, entre la lecture et l'écriture. Donc c'est le creuset dans lequel a pris forme sa pensée, c'était effectivement ce moment dans l'histoire de la culture russe, où, avec le premier symbolisme, on avait une exigence de réaliser, en fait, à travers la pensée, même de réaliser des choses. Imaginez que pour les symbolistes à cette époque, le symbole était quelque chose qui permettait de réaliser des essences. Il y avait l'idée de carrément transformer la réalité à travers l'activité artistique ou la pensée. Et Léon Chestov est resté très attaché à ça toute sa vie. Je dirais pas que c'est un vitalisme, c'est un sens, c'est peut-être c'est cette création de la vie, vie comme création, жизнь и творчество, qui donne une grande intensité à, qui fait exploser, en fait, les limites, ouais, entre la philosophie et la vie. Et Berdiaïev en parlera, quand il viendra en France. Hein, mais c'est bizarre, en France, les gens prennent toujours la culture comme une sorte de prétexte pour aborder les questions, alors que nous, en Russie, on abordait les questions directement, et c'est comme ça qu'on faisait de la culture. On a parlé aussi d'existentialisme et même de maximalisme, vous avez employé ce terme, Geneviève Pierron. Est-ce que finalement il faut résumer, définir, qualifier la pensée de Chestov? Est-ce que finalement il n'était pas aussi, sa manière de faire n'était pas contre tous ces ismes? Et si on voit en Chestov une forme de précurseur à l'existentialisme, finalement, on se trompe peut-être. Il l'a peut-être juste inspiré, mais il n'a pas voulu donner naissance à une philosophie construite, à défaut d'être systématique, en tout cas, un courant cohérent de pensée. Vous avez raison et pas raison, parce que oui, le isme n'est pas forcément très bienvenu. Le terme existentialisme, c'est presque un peu anachronique de l'appliquer à Léon Chestov, qui était assez âgé hein, quand il est arrivé. Il est né en 1866, donc quand il est arrivé en France, il avait déjà la moitié de son œuvre derrière lui. Il est mort en 1938. C'est seulement 2 ou 3 ans après que Camus ait commencé à traiter ces questions-là. Donc, existentialiste, non. Mais par contre, le rattacher à un courant qu'on peut appeler la philosophie existentielle et qui commence un peu comme Kierkegaard, par exemple. Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, oui, ça certainement, parce qu'il s'est nourri de ses pensées. En fait, la critique littéraire était aussi pour lui un moyen d'écrire dans les marges des textes des autres. Il n'a pas cessé de faire ça, et c'était aussi quelque chose de typique de ce mouvement de la critique littéraire subjective, c'est-à-dire de se nourrir de la pensée des autres, de dialoguer avec les autres. Quand Benjamin Fondane a lu les essais de Chestov dans les années 20 en France, il a dit « mais c'est incroyable, je voyais le musée Grévin de l'histoire de la philosophie qui s'animait, tous ces personnages de cire qui tout à coup se mettaient à jeter des répliques et à poser des questions vivantes ». Donc il y avait cette idée des commentaires un peu psychologisants, mais qui permettaient à travers la discussion sur des textes de faire revivre les personnes et de dialoguer avec eux. Et en ce sens, Léon Chestov a vraiment, il s'est nourri de la pensée de Pascal, de Luther, de Dostoïevski, de Nietzsche, et puis finalement de Kierkegaard, qu'il a découvert très tard et dont on a vu après coup qu'il y avait en fait énormément de similitudes dans leur pensée. Chestov prend le soin de nous prévenir sur ce qu'il entend par l'homme exceptionnel. Et ce n'est ni l'homme de génie, bien que parfois il y parvienne, ni l'homme de grand courage, ni surtout le philosophe, car, et voilà la pierre de touche, il ne s'agit pas de vouloir se dévouer tout bonnement, de choisir une vie de sage avec les privations et les jouissances qu'elle comporte. Il n'y a rien qui répugne davantage à Chestov que le sage et ses petites satisfactions. Jamais homme normal, enfermé dans le bagne, ne se dira que les murs sont franchissables. Même des plus téméraires, l'évidence aura raison. Mais qu'une maladie, qu'un désarroi moral, qu'une solitude forcée, qu'une brisure de l'équilibre vous mettent un instant face à face avec le désespoir, la démence ou la mort, c'est à ce moment seulement que le problème irritant se posera à vous. Que de ne pas lui trouver une issue vous semblera déraisonnable. Que l'évidence elle-même vous agacera de ses prétentions puériles, de ses exigences énormes, et qu'un raisonnement nouveau s'emparera de vous. Raisonnement issu d'un registre logique absolument inédit. Une folie, dira-t-on. Nous sommes loin en vérité de la joie de la découverte, des joies de la contemplation. La mort offre ses révélations. Quelque chose qui me paraît caractéristique de Chestov, comme tous ses compatriotes d'émigration, il attribue une grande importance à l'expérience vécue. N'est-ce pas ? Le mot pirigivanie, qui veut dire la chose que l'on vit, n'est-ce pas, est un mot essentiel chez lui, qui revient sans cesse. Et ce qui me paraît éprouvé et vécu chez lui, c'est le sentiment du rebord, n'est-ce pas, d'être sur la frontière de quelque chose, d'être, et même déjà sur l'autre rive. Il parle d'un au-delà de la raison, qui est la foi, n'est-ce pas, et d'être au-delà de la frontière, aux confins de la vie. Et ce sentiment d'être au bord, favorisé par ses origines, par son immigration, par le fait qu'il était d'origine juive, n'est-ce pas, en somme, un étranger un peu partout, tout cela favorisait ce sentiment d'instabilité, de pèlerinage, d'aventure qui lui est propre. Alors c'est ça qui est intensément vécu, qui le rend attirant et qui fait qu'à sa manière, il est unique. Geneviève Pirou, on vient d'entendre la voix de Vladimir Jankélévitch qui parle de Chestov. C'était en 1966 sur France Culture dans un hommage à Léon Chestov. Il y emploie ce terme très beau en fait de philosophe au bord. Et juste avant, j'ai lu un texte de Benjamin Fondane que vous avez cité, qui est un critique et qui était un ami de Chestov et aussi un continuateur de sa pensée, qui décrit en fait la répugnance de Chestov pour le philosophe, la figure du philosophe, ce sage avec ses petites satisfactions. Est-ce que finalement la grande nouveauté de Chestov, c'est aussi cette manière, ce style en fait, de faire, d'être au bord, c'est-à-dire de ne pas produire des raisonnements, de refuser d'être le sage avec ses petites satisfactions, de refuser le carcan rationaliste. Est-ce que c'est ça le style de Chestov et qui fait sa spécificité ? Peut-être. D'abord, je dois juste préciser que Benjamin Fondane n'est pas seulement un critique, mais aussi un philosophe et surtout un très grand poète. Et qu'il était effectivement un peu le disciple de Léon Chestov en France. Un philosophe sur le bord, c'est un peu difficile de dire que la philosophie serait constituée uniquement de philosophes pas sur les bords, mais disons qu'il s'est volontairement mis dans les marges parce qu'il estimait que être dans les marges, c'était poser les questions à l'origine de la philosophie et s'interroger sur la nécessité de la connaissance, sur les voies dans lesquelles nous entraîne la philosophie rationaliste. Oui, peut-être, c'est certainement un peu un philosophe des marges, mais je pense qu'il n'est pas du tout le seul dans l'histoire de la philosophie. Oui, la critique de la raison n'est pas un grand geste en philosophie, mais néanmoins, il est difficile de critiquer la philosophie tout en critiquant la raison. On est bien obligé de produire un raisonnement rationnel. Or, est-ce que Chestov n'échappe pas à ça ? Si on réduit la philosophie à un raisonnement rationnel, oui, il échappe à ça, il est en dehors, mais il est en dehors comme d'autres philosophes, effectivement. Non, je pense que c'est effectivement quelqu'un qui posait la question, mais en fait, ça sert à quoi la philosophie ? À quoi ça sert ? Il était conscient de la fragilité de l'existence, il était scandalisé par la précarité de l'existence humaine, il était conscient non seulement de la finitude, parce que c'est un beau mot, mais aussi de la violence historique. Il était entouré par des éléments qui menaçaient les siens. Et il supportait pas cette idée qu'on dise simplement, ben oui, on est né pour mourir et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et il s'est interrogé sur la raison de ce calme apparent. Pourquoi le philosophe finalement accepte ? Pourquoi depuis Aristote ou même depuis Socrate, il cherche une sorte de juste milieu. Pourquoi ? En fait, il a fait ce que fait Nietzsche. Il a dit, mais en fait, c'est quoi la base ? La base de cette attitude, il dit, mais c'est quelque chose d'affectif. Les gens sont terrifiés, alors ils se rassurent et ils se rassurent. Et plus ils causent, plus ils se rassurent. C'est ça qu'il remettait en question. C'est en ce sens qu'il revenait à devenir un temps, comme Socrate était un temps, mais un temps qui ne voulait pas seulement agacer et montrer les contradictions, mais un temps qui voulait réveiller et plonger les gens dans leurs contradictions pour mettre à mal le fonctionnement de leur raisonnement et les remettre en contact avec l'existence qui, comme il le dit, ne doit pas être réduite à ce que peut la pensée, mais la dépasse, évidemment. Alors, comment a-t-il défendu, et si l'idée était de critiquer la raison et cette manière en tout cas de faire de la philosophie, comment a-t-il mis en œuvre cette critique de la rationalité? Est-ce que c'était par une manière d'écrire? Est-ce que c'était par des arguments anti-rationnels? Est-ce que c'est parce que il s'est tourné vers des recherches? On le présente aussi comme un philosophe de la religion, ou en tout cas qui a abordé les questions de la révélation biblique et qui a opposé Jérusalem à Athènes, et donc la loi de la raison, on va dire la révélation biblique. Quelle forme ça a pris précisément pour Chestov? Qu'est-ce qu'il voulait donner à entendre? Voilà, la première partie de sa philosophie, après, Shakespeare et son critique Brandes, prend forme surtout à travers des aphorismes, des textes courts qui sont assez directement inspiré de Nietzsche. Et je pense que comme Nietzsche, il a cherché à faire une philosophie qui donne une impulsion pour aller plus loin, comme disait Jean Granier à propos de Nietzsche, et qu'il a cherché aussi à utiliser des formes littéraires, finalement, comme justement de nouveau Nietzsche et Kierkegaard. Pour Gilles Deleuze qui décrit ça extrêmement bien dans La Répétition, il dit que finalement le but de la répétition, c'est de démouvoir l'esprit hors de la représentation et de donner des signes directs qui se substituent à une représentation médiante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de performateur dans cette philosophie. C'est pour ça qu'elle n'est pas si facile à résumer. On la résume, on la schématise, mais en fait il y a quelque chose qui demande d'être vécu. C'est-à-dire on lit. Et puis on se promène à travers tout un raisonnement, et souvent, en général, à l'aide du paradoxe, on est ramené dans un tout autre endroit que ceux où on pensait aller. Et ça met à mal la logique, et ça nous permet de questionner notre fonctionnement, notre façon de réfléchir. Et sur Dieu? Ah, sur Dieu. Alors, premièrement... Parce qu'à l'inverse de Nietzsche, il ne dit pas du tout « Dieu est mort ». Chestov. Non, Chestov a été bouleversé par Nietzsche très profondément, et en fait il a pris la première partie de Nietzsche, c'est-à-dire la partie déconstruction, et quand il a vu apparaître cette image du surhomme et toute cette philosophie positive dans Zarathoustra, il a absolument pas adhéré à ça. Il a dit mais ça c'est en fait justement le fantasme d'un homme impuissant. C'est parce qu'il était malade, ce pauvre Nietzsche, il était comme Heine sur ses quatre matelas, il est dans un tel sentiment d'impuissance par rapport à sa propre existence, qu'il a fait ce que finalement il avait reproché aux idéalistes d'avoir fait, c'est-à-dire projeter des illusions sur ce mur du réel qui était trop cruel pour lui. Donc il a un peu déconstruit Nietzsche lui-même. C'est-à-dire que pour Chestov, Nietzsche était trop positif. Il s'est menti, disons. Aussi bien le Nietzsche du surhomme que le Kierkegaard du chevalier de la foi, pour Chestov, c'est des réponses, parce que la question était trop énorme et qu'il ne supportait pas d'avoir posé ces questions d'une façon si énorme. Leur constatation sur le néant qui sous-tend l'existence était quelque chose qu'ils avaient perçu à des moments de grande lucidité, mais qu'ils ne pouvaient pas supporter de maintenir en eux d'une façon vivable. Et lui incitait à maintenir cette conscience en soi, la conscience du fait qu'il y a un néant qui préexiste et que finalement il nous provoque une telle angoisse qu'on cherche à se mentir et à fuir cette constatation lucide. Et c'est progressivement, effectivement, à travers toute une maturation de la pensée et de la critique de la pensée rationnelle que Chestov effectivement arrive à faire naître de ce néant le sentiment extrêmement brûlant de l'absence de Dieu, que l'absence de Dieu est représentée par ce néant, que ce néant est la liberté et que c'est là que peut se passer une sorte de réaction de l'être humain conscient de l'aspect tragique de l'existence, qui peut se mettre tout à coup à pénétrer dans ce qu'il appelle la deuxième dimension de la pensée, qui est un moment où il se met à croire, non pas à croire à un credo, à des dogmes, à quoi que ce soit, mais à croire en fait que rien n'est impossible à Dieu. Et pourquoi avoir réhabilité Dieu à ce moment-là? Parce que est-ce que c'est pas non plus une forme de construction un petit peu positive? Parce que voyant que, à force de tout déconstruire, à force d'être uniquement dans l'expérience, ou alors de penser uniquement dans l'expérience, mais de ne pas penser la pensée, de ne pas avancer, disons, sur un sol stable, Chestov a eu besoin aussi de réhabiliter une figure comme Dieu qui permette quand même de construire quelque chose, ou de construire quelque chose en quoi croire. Bon, c'est une évidence quand on suit sa pensée depuis ses débuts que Chestov était horrifié par l'absence de Dieu. Ça, c'est dès le début, il est horrifié par l'absence de Dieu. Il a dit d'ailleurs à la fin de sa vie qu'il pensait qu'on retiendrait plus de sa philosophie la critique de la raison que l'incitation à la foi. Et effectivement, lui, il a lu la Bible et dans la Bible, il entendait des choses qui lui semblaient renouer avec une forme de la pensée qui était pré-logique, pré-socratique, qui était étrange, qui était troublante, et c'est dans cette pensée-là qu'il a cherché des réponses, effectivement. Comment se fait-il qu'un homme moderne veuille se faire pasteur? C'est à croire qu'Anders est idiot. Et crois-tu donc que ton rationalisme et ses sordides mesquineries soient un critère de valeur intellectuelle? Un être sensé estime que l'homme moderne... Oh, un être sensé estime que l'homme moderne... Je dis qu'un être sensé estime que l'homme moderne affronte sa propre absurdité, croit en lui-même et en sa mort biologique, et tout le reste n'est que littérature. Et j'estime que l'homme dont tu parles n'existe que dans ta cervelle. L'homme affronte la mort avec appréhension et recule d'effroi devant sa sottise. Admettons, la religion est nécessaire, c'est l'opium qui endort les populations souffrantes. Oh, c'est fantastique, ce qu'ils peuvent être gentils, je suis toujours de l'avis du dernier qui a parlé. Toi, tu croyais certainement au Père Noël quand tu étais petit. Oh, et toi, tu as toujours été dénué d'imagination, une infirmité courante. Qu'en dites-vous, professeur? Qui oui, a raison? Qu'en dites-vous, professeur? Oh, écoutez, jeunes gens, quelle que soit mon opinion, vous l'accueillerez avec une ironie condescendante. Je crois donc ça, je ne rien dire. Il faut vous penser qu'ils ne sont heureux ni l'un ni l'autre. Au contraire, Sarah, je pense qu'ils sont bien heureux tous les deux. Les philosophes voulaient et veulent encore penser et s'efforcent par tous les moyens de suggérer, d'imposer aux autres que leur vérité possède le don de persuader tous les hommes sans exception. La raison ne reconnaît comme vrai que ces vérités-là. Ce sont ces vérités qu'elle recherche, ce sont uniquement elles qui constituent à ses yeux le savoir. La tâche que je me suis proposée consiste à mettre à l'épreuve les prétentions à la possession de la vérité qu'émet la raison humaine ou la philosophie spéculative. La connaissance n'est plus reconnue comme le but suprême de l'humanité. La connaissance ne justifie pas l'être, c'est de l'être au contraire qu'elle doit obtenir justification. L'homme veut penser dans les catégories dans lesquelles il vit et non vivre dans les catégories dans lesquelles il est habitué à penser. L'arbre de la connaissance n'étouffe plus l'arbre de la vie. Geneviève Piron, je viens de lire quelques lignes de Athènes et Jérusalem. C'est un texte de Léon Chestov, le dernier texte de Chestov qui date de 1938, l'année de sa disparition. Et juste avant, on avait entendu un extrait du film de Bergman, Les fraises sauvages, qui date de 1957. Dans ce texte, on entend exactement le combat que met en scène Chestov entre d'un côté la foi et de l'autre la raison. Sauf que l'on sait déjà que pour Chestov, c'est la foi qui doit gagner. Vous avez dit, Geneviève Piron, qu'il trouvait dans la croyance des réponses. Quelles réponses Chestov trouve-t-il qu'il ne trouve pas dans la raison? Vous posez les choses d'une façon assez... troublante. Ah oui, je vous pose une question pas facile. Je vous demande de résumer en quelques minutes tout le choix existentiel et philosophique de Chestov. Vous avez le temps. Oui. Bon, Léon Chestov a commencé par être frappé par la figure dans l'œuvre de Dostoïevski de l'homme du souterrain, dont il n'a pas fait un personnage, mais une voix profonde, c'est-à-dire une voix, la voix de la révolte, la voix de la révolte de celui qui, se sachant condamné à mort, met au défi les lois générales, les vérités éternelles, les 2 fois 2 égale 4, et qui dit « et s'il me plaît à moi que 2 fois 2 égale 5 ». Cette réaction de l'homme révolté a nourri la pensée de Léon Chestov, et en l'approfondissant, il est arrivé à retrouver dans cette attitude la figure de Job qui refuse les raisonnements apaisants de ses amis et qui se dresse sur son tas de fumier pour demander des comptes à Dieu et en vociférant, en poussant des clameurs, demande des comptes sur sa propre existence privée. Et cette opération de combat entre un homme passionné par son intérêt privé contre les idées générales ou la pensée commune, la pensée de tout le monde, les idées générales, ça, c'est le conflit que Chestov met en scène, souvent de façon un peu théâtrale, dans ses écrits philosophiques. Et peu à peu, il va commencer à opposer vraiment cette conscience passionnée des intérêts du moi à tout ce fonctionnement de la réflexion qui, selon lui, consiste peu à peu à paralyser la volonté et à ensorceler l'être humain, qui finit par trouver non seulement que tout ce qui est a tout à fait le droit d'être, ce qui déjà est scandaleux pour lui, mais en plus arrive à dire que c'est bien que ça soit comme ça, et même que c'est désirable, ce qui parvient pour Léon Chestov, aboutit à dire que finalement la mort, c'est pas un problème. Et lui, cette attitude, il la refuse et il estime qu'il est... Du devoir de la philosophie d'interroger cette attitude et de reculer, en fait, en dehors de cette forme d'enchantement, de se dresser contre cette voix apaisante qui ensorcelle l'être humain. Il a souvent utilisé des images un peu tirées de la gnose en disant qu'en fait, on est enfermé entre quatre murs dans une prison et on chante que cette prison est merveilleuse, alors qu'en réalité, le sens donné à l'existence doit être cherché en dehors de cette prison. Et donc, c'est vrai que c'est une philosophie qui est vraiment très difficile à résumer parce qu'elle est très fortement dans l'acte, dans cet acte de nous faire reculer en dehors de cette prison, de nous faire envisager d'autres choses. Et ça passe par tout un appareil, un jeu d'images qui vise à justement nourrir notre sens du merveilleux, notre soif du miracle. C'est l'empreinte aux contes russes, c'est l'empreinte à toutes sortes de paraboles, parfois des extraits bibliques ou kabbalistiques. Et voilà, c'est ainsi qu'il essayait de réveiller le dormeur, comme il disait. Mais ça, c'est toute la philosophie, essayer de réveiller le dormeur. Mais lui, il l'a fait en essayant de réveiller le dormeur contre la puissance de sa propre raison, ce qui est effectivement un exercice un peu ambitieux. Et puis surtout, ce qui est intéressant, Geneviève Piron, c'est qu'on a l'impression avec Léon Chestov qu'il a renversé en fait le rapport entre la raison et la foi. C'est-à-dire qu'on tout ce qu'il reproche à la raison, on a pu entendre ces critiques-là adressées à la religion, à la croyance, à la foi, à savoir son côté consolateur, ensorcelant, réconfortant. Et cette critique-là, finalement, il l'adresse à la raison. C'est assez étonnant, en fait, comme... Oui, c'est en ce sens que c'est un grand perturbateur. C'est qu'il vient dire, mais au fait, vous voyez des raisons affectives dans la croyance, mais la croyance en la raison est une croyance. Au fait, le côté décapant de Léon Chestov, c'est qu'il vient, vraiment questionner, et ça c'est peut-être la partie la plus ouverte de sa philosophie, il vient vraiment questionner chacun en disant « mais pourquoi crois-tu ça ? Quel est ton besoin ? Quel est ton besoin ?» Et lui, la réponse à ce besoin, c'est on a besoin d'éternité, on a besoin de Dieu, on a besoin de sens. Mais ça ne nous est pas donné. Et comme ça ne nous est pas donné, la seule chose qu'on peut faire, c'est se lancer à l'aveugle dans cette sorte de conscience complètement irrationnelle que peut-être rien n'est impossible à Dieu. Mais lui-même n'y parvenait pas. Mais il incite à le faire. Et il le fait à travers sa philosophie. Mais il appelle à une sorte de croyance en Dieu ou il demande même à être Dieu? Non, il ne demande pas à être Dieu, il ne demande aucune croyance. Il demande simplement qu'on arrive à envisager l'impossible, qu'on arrive à questionner en fait, ce qui nous fait croire qu'une chose est possible ou est impossible. Et en fait, il essaye d'actionner ce gond de façon à nous faire envisager des choses qu'on n'envisagerait pas naturellement. Et en ce sens, c'est une sorte de désenchanteur-enchanteur qui nous déplace. Il arrive que l'ange de la mort s'aperçoive qu'il est venu trop tôt, que le terme de l'homme n'est pas encore échu. Il n'emporte pas alors son âme, il ne se montre même pas à elle, mais il laisse à l'homme une des nombreuses paires d'yeux dont son corps est couvert. Et l'homme voit alors, en plus de ce que voient les autres hommes et de ce qu'il voit lui-même avec ses yeux naturels, des choses nouvelles et étranges. Et il les voit autrement que les anciennes, non comme voient les hommes, mais comme voient les habitants des autres mondes. C'est-à-dire que ces choses existent pour lui, non nécessairement, mais librement. Qu'elles sont, et qu'en même instant elles ne sont pas. Qu'elles apparaissent quand elles disparaissent, et disparaissent quand elles apparaissent. Nous pénétrons dans le domaine de l'antinaturel, de l'éternellement fantastique par excellence. Et si nous voulons y entrevoir quelque chose, il nous faut renoncer à toutes les méthodes, à tous les procédés qui jusqu'ici donnaient à nos vérités, à notre connaissance, une certitude, une garantie. Il est possible qu'on exige de nous un sacrifice plus important encore. Il faudra, peut-être, que nous soyons prêts à admettre que la certitude n'est pas le prédicat de la vérité, ou, pour mieux dire, que la certitude n'a absolument rien de commun avec la vérité. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Quel texte magnifique on vient d'entendre. C'est un extrait de Sur la balance de Job qui date de 1922, Les révélations de la mort. C'est un texte de Léon Chestov, lu par le comédien Vincent Schmitt. Sur la musique de Scriabine, le poème de l'extase. On y entend un petit peu ce que vous décrivez auparavant, Geneviève Piron, cette quelque chose de surnaturel, de fantastique en fait. Chestov nous demande à faire exploser toutes nos certitudes et donc à être ouvert à tout et même à l'impossible. Et avec cette figure de l'ange de la mort qui rend l'homme un peu plus voyant, on a l'impression d'atteindre cette forme de lucidité dans ce texte. Oui, c'est effectivement un texte qui a beaucoup frappé ses contemporains. C'est un peu avec ce texte que Chestov a trouvé son ancrage en France. Ça a trouvé sa reconnaissance. On a découvert ce philosophe russe qui commentait Dostoïevski d'une façon très frappante. Il est très intéressant de savoir que cet ange de la mort apparaît dans ses carnets de notes d'une façon télégraphique et bouleversé juste après que Léon Chestov ait réussi à sortir de Russie. Il est parti avec sa famille en 1919, vraiment au péril de leur vie. Ils ne savaient pas s'ils allaient s'en sortir. Et quand il est arrivé à Genève, dans un de ses carnets, apparaît cet ange et aussi les philosophes qui considèrent la ruine de leur patrie ou les villes saccagées. Donc ça, c'était évidemment la réminiscence encore très très vivante dans son esprit de ce qu'il avait traversé au moment de la guerre civile en Russie. Et cet ange qui apparaît, il est en fait dans les carnets, il est mélangé au séraphin à six ailes du poème de Pouchkine qui vient arracher la langue du poète et lui mettre à la place le glaive pour qu'il prononce la vérité de Dieu. Donc c'est un poème qui s'appelle Le Prophète, mais l'ange de la mort, lui, il est tiré du Talmud. Et donc voilà, on a ces deux sources, la poésie russe et puis la sagesse juive qui interviennent pour donner forme à cet ange. Et cet ange, effectivement, qui vient donner des yeux surnaturels à Dostoïevski, mais qui part en lui laissant ses yeux, c'est une image extrêmement forte de ce que Léon Chestov cherchait et qu'il a désigné par la suite dans l'opposition spéculation et révélation. Spéculation russe ou mozrienie, c'est la vision de l'intellect. Et révélation, atkravienie, c'est l'ouverture, c'est-à-dire s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir à l'impossible et peut-être que quelque chose va arriver. On retrouve d'ailleurs ce qui était dit dans les premières lignes que j'ai lues au tout début, où il dit qu'on ne peut pas penser à la pensée, il faut entrer en contact avec elle, mais jamais avec la tête, mais seulement avec les yeux. Oui, c'est l'idée extrêmement forte, qui répond aussi un peu à votre question sur Dieu, que si on essaye de retenir quelque chose d'important, si on essaye par exemple de croire, on va tout de suite perdre. On va tout de suite perdre cette chose. Ce qui est important, c'est d'essayer de se mettre dans une sorte de disposition d'ouverture et d'audace qui permet d'aller sans savoir où on va, comme Abraham, qui permet de pas attendre de sécurité. Et pour Léon Chestov, le problème de la connaissance, c'était l'idée qu'en fait, on veut prévoir, on veut baliser, au fait. Et du coup, on s'enferme parce que, au lieu de laisser les choses être, on essaye de les canaliser et on se pétrifie, on pétrifie l'existence humaine, alors que l'existence est quelque chose de multidimensionnel et qui devrait laisser pleinement la place à l'imprévisible. Mais quand on est comme ça à disposition de ce qui se passe, des événements, dans l'extralucidité, est-ce qu'on n'est pas totalement soumis aussi au cours du monde? C'est-à-dire que la raison, c'est aussi une manière de reprendre, de ressaisir le monde. Alors peut-être que ça implique un vilain mot de maîtrise du monde et de domination, mais en attendant, être dans la disposition, l'ouverture, fait qu'on peut être aussi dans un état complètement passif et complètement soumis à la fatalité. Vous avez totalement raison. Et si l'ouverture paisible était le but de la philosophie de Léon Chestov, il aurait été en position zen, en train de chanter, et il n'aurait pas lutté à travers la philosophie. Bien entendu que Chestov n'est pas du tout opposé à la raison. Il est opposé à la tyrannie de la raison, et il aimerait remettre la raison à sa place. Mais bien sûr que tout l'exercice de sa pensée est traversé par ces espèces de convulsions rationnelles qui donnent naissance au fait à sa pensée et simplement qui donnent aussi le rythme à ce combat qu'il essaie de mener contre les lois générales au nom de l'intérêt du sujet et dans une perspective qui vise à rappeler que les dimensions de la pensée sont plus vastes que ce qu'on essaye souvent de nous en dire. Oui, en fait, c'est peut-être pas une critique de la pensée en tant que telle, c'est une critique de la pensée rationnelle, ça on l'a vu, mais aussi en fait de la pensée qui essaye de s'enfermer dans des catégories alors que la pensée devrait traverser toutes les catégories de l'existence. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé jusqu'ici aussi, on a opposé expérience vécue et raison, mais en fait pour Chestov, la pensée doit surtout en fait tout traverser sans être, on va dire, cantonné uniquement à un champ qui serait celui de la raison ou celui de l'expérience. Finalement, c'est ça que nous dit Chestov, c'est que la pensée doit se démultiplier et traverser différents champs. Je crois que vous en faites un peu un post-moderne. Il y a des aspects dans sa pensée qui, oui, mènent à ce genre d'ouverture, à de décloisonnement, en particulier sa vision de l'individu, où il pense que chaque individu est mu par son propre mouvement et devrait pouvoir se développer dans son propre sens sans que personne essaye de le mettre dans des catégories ou sous des contraintes qui valent pour tous. Il a aussi des phrases assez intéressantes sur les différents plans de l'existence. Nous vivons tous dans un plan déterminé. Il nous est extrêmement difficile d'admettre l'existence de plans multiples et de laisser nos prochains se mouvoir librement dans l'espace. Ça, c'est un peu sur ce genre de conception qu'il a créé une forme de tolérance. Et ça critique des idées comme contraintes, comme il a dit quelque chose que je continuerai toujours à trouver très drôle. Il disait, les Français disent du choc des opinions jaillit la vérité, mais selon moi, du choc des opinions ne jaillit que le choc de deux têtes. Donc il avait conscience que à travers la polémique, à travers les conflits idéologiques, les conflits d'opinions, s'affrontait finalement plutôt, c'était une forme de guerre et que ça finissait rarement bien. Donc il était opposé à l'idée d'essayer de convaincre par des arguments tout court, effectivement, mais en même temps, il était aussi extrêmement affecté par le fait que nous vivons dans l'histoire et que l'histoire est un royaume où règne un certain déterminisme et une certaine nécessité, et il avait plutôt tendance à chercher les réponses en dehors de l'histoire. Et c'est aussi parce qu'il était extrêmement terrifié et révolté, en fait, par l'histoire, et il était un témoin du XXe siècle qui avait des raisons pour l'être. Je vous propose justement, Geneviève Piron, pour finir cette émission, qu'on entende la voix d'un autre homme qui se dit révolté par le monde du XXe siècle. Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins. C'était la voix de Albert Camus en 1955. Albert Camus qui a connu Chestov, qui l'a lu, qui a contribué à rendre Chestov connu en France, ou du moins être lu en France. On dit d'ailleurs que c'est la pensée, cette forme de faire exploser les certitudes et une pensée de l'absurde révélée par Chestov qui aurait inspiré à Camus sa propre pensée de l'absurde et notamment inspiré le mythe de Sisyphe. Quel lien peut-on faire entre Camus et Chestov, et est-ce que effectivement on peut finir avec Chestov sur cette idée d'absurde reprise par Camus? Les similitudes entre la sensibilité d'Albert Camus et celle de Léon Chestov sont assez nombreuses. Je pense que en particulier, ils avaient un sens assez aigu de la responsabilité. C'était deux personnes qui étaient un peu les premiers intellectuels de la famille et qui se sentaient responsables des leurs et de gens qui se sentaient démunis et un peu sans parole. Et aussi, bien entendu, la sensibilité à l'horreur de l'histoire et à la révolte et le sentiment d'absurde qui en découle. Mais bien sûr que Léon Chestov n'aurait jamais supporté l'idée qu'il faille imaginer Sisyphe heureux. Ça lui semblait vraiment le retour à la philosophie grecque. Et lui, il aurait demandé plutôt que l'absurde devienne une sorte de clameur qui vienne réveiller ce dieu endormi, qui puisse faire que ce qui a été n'ait pas été, et qui puisse retourner complètement la perspective de nous autres pauvres mortels. Merci beaucoup Geneviève Pierron, merci de nous avoir éclairé et fait découvrir la pensée de Léon Chestov. Je rappelle qu'on peut lire de vous Léon Chestov, philosophe du déracinement, la genèse de l'œuvre. C'est disponible aux éditions L'Âge d'Homme, et puis aussi L'Utopie au quotidien, la vie ordinaire en URSS 53-85 aux éditions Noir sur Blanc. Merci beaucoup. Merci à vous. Интенсенция России в плацкартном вагоне. Я уже на готове, еду в уездный город. Только с перрона пропитываю запахами дороги. Доширака, тамбура и чьих-то ног пота. Компот в железном подстаканнике. Сезон закрытый, пришла стужа злая. Мальдивы и Кипр в это время года так манят, но по карману лишь пары. Сверяюсь с показаниями барометра. В плеере играет моя борьба и падает цена барреля. ВВП на душу населения ниже, чем в Зимбабве. На квадратный метр тут 5 патриотов и трое правых. С этих людей выйдет толк в Сирии или под Дебальцово, когда сыны пойдут на отцов и матери не дождутся их дома, и счастливыми станут зэки в переполненных зонах. Слава закону, заматерели пропорционально надутым сугробом, и это с виду мы только снобы. Купи кусок мудрости, прокапанный инбобом. Экзистенциальная Россия, этого забили за огурцы. Merci Geneviève Pierron, et merci beaucoup aussi aux éditions Le Bruit du Temps, qui publie toute l'œuvre de Léon Chestov, Athènes et Jérusalem, sur la balance de Job, la philosophie de la tragédie, ou encore Shakespeare et son critique Brandès dont on a parlé. Merci aux éditions donc Le Bruit du Temps. Jetez-vous dessus, l'édition est en plus très belle. Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Manon Delasselle, Isis Jourda qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Laurence Malonda et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Clément Daté et Valentin Bobinet. Et merci aussi à Adèle Vendrette que vous retrouverez à ce micro la semaine prochaine. Mais Adèle Vendrette qui sera aussi ces vendredis et samedis à Lille au festival Cité Philo. Ce seront 4 émissions enregistrées en public autour du thème de la parole. Parler, est-ce agir? Est-ce guérir? Ou mentir permet-il de devenir quelqu'un d'autre? 4 émissions donc sur le pouvoir de la parole. Ce sera à Lille vendredi et samedi. Le programme avec tous les invités et les horaires sont disponibles sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Et c'est aussi sur cette page que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur Léon Chestov et trouver toutes nos informations musicales et bibliographiques. Rendez-vous aussi sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. À demain pour la suite de notre série sur les philosophes russes et demain, place à Tolstoï, pas écrivain mais essayiste. Quelle philosophie a proposé l'auteur de Guerre et paix après une nuit d'angoisse existentielle? Ce sera demain à 10h sur France Culture.